بسم الله الرحمن الرحيم ندخل اليوم في السؤال 22 بعد 200 222 question. يقول سؤال الشيخ رحمه الله تعالى حكم رد السلام ونحن في دروات المياه. Donc il dit qu'on est durant le salam lorsqu'on est aux toilettes. فأجاب رحمه الله تعالى أولا الذي في دورة المياه لا يسلم عليه حتى يخرج ولكن لو فرض أنه سلم فهنا لا طريق إلى رد السلام لأنه إن أشار لم يره وإن نطق فلا ينبغي أن يدعو الله تبارك وتعالى في مثل هذا المحل بل ينتظر حتى يخرج. Donc il a dit d'abord celui qui est dans les toilettes il ne faut pas lui passer le salam tant qu'il ne sort pas. Cependant si jamais مثلاً ce salam lui était passé alors il ne peut le rendre car si jamais il venait à le rendre par une indication de la main on ne pourrait pas le voir vu qu'il est à l'intérieur des toilettes. Et si Ami se met à parler, à le prononcer, il n'est pas convenable d'invoquer Allah dans cet endroit. Donc, il attend jusqu'à ce qu'il sorte. ثُمَّ إِنْ كَانَ صَاحِبُهُ قَدْ بَقِي رَدَّ عَلِي السَّلَامُ وَإِلَى سَقَطَ عَنُوا رَدْ لِيَنَّهُ سُلِّمَ عَلَيْهِ فِي حَالٍ لَا يُمْكِنَهُ أَنْ يَرُدْ. Donc, il a dit, si jamais la personne qui passait le salam est encore présente lorsqu'il sort, à ce moment-là, il lui rend le salam. Sans quoi, à ce moment-là, il n'est pas obligatoire de rendre le salam. Car il est dans un endroit où cela n'est pas faisable. C'est le fait d'évoquer Allah Azza wa Jal en étant dans les toilettes. Après, il y a des ulama qui disent que ça dépend où tu es dans les toilettes. C'est comme le fait, par exemple, ici au Yémen, les toilettes sont comme ce qu'on appelle les toilettes turques. Et souvent, tout est lié au même endroit. La salle de bain et les toilettes sont ensemble. C'est la même pièce. Donc lorsqu'on fait, par exemple, l'ozo, on fait la basmala en premier, et on fait le dora après l'ozo. Et ben les machères ils disent si jamais tu es loin du lieu de défection, loin du lieu où il y a le trou dans lequel tu fais tes besoins, ils disent tu peux le faire, tu peux citer Allah Azza wa Jal. D'accord, donc ça dépend maintenant des toilettes dans lesquelles tu es. Si la personne à qui on passe salam, il n'est pas précisément au-dessus de la cuvette ou autre, qu'il est un peu loin, à ce moment-là il peut répondre. Mais s'il est proche de ce lieu-là, qu'il est en train de faire ses besoins, par exemple en pleine action. À ce moment-là, non, il ne le fait pas. Donc, faut voir la situation. Mais, bien sûr, quand quelqu'un est aux toilettes, toi, retenue, tu ne passes pas salam, en salam. Mais si toi, dans les toilettes, on te passe salam et que tu n'es pas près du lieu de défection, tu en es un peu éloigné, alors tu peux répondre. Biznillah ta'ala, selon l'avis des savants. D'autres savants. Non. Summa qala fi su'al al-thalith wa 20 ba'd al-mi'atayn. 223e question. Su'ala al-shaykh rahimahullah ta'ala, ma hukm as-salam ala ghayr al-muslimin. Donc, il a dit, qu'en est-il de rendre le salam aux non-muslims? Ceux qui ne sont pas muslims. فَأَجَابَ رَحْمَ اللَّهُ تَعَالَى أَلْبَدْءُ بِالسَّلَامِ عَلَى غَيْرِ الْمُسْلِمِينَ مُحَرَّمٌ وَلَا يَجُوزُ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتَبْدَأُوا الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى بِالسَّلَامِ وَإِنْ لَقِيْتُمُوهُ فِي الطَّرِيقِ فَاضْطُرُّوهُمْ إِلَى أَضْيَاقِهِ. Donc il a dit de commencer par saluer les non-muslims, cela est interdit. Cela n'est pas permis. Car le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, ne commencez pas à saluer, c'est-à-dire ne commencez pas, vous, en premier, à saluer les Yahoud et les Nasara. Et si jamais vous leur retournez dans la rue, alors serrez-le le passage. On précise, ce genre de hadith s'applique dans un lieu où c'est l'islam qui est le dessus. Dans un endroit, par exemple, où les gens du livre sont les gens de la Zimma, ils appellent la Jizya, par exemple. Dans notre époque, aujourd'hui, si tu fais ça, tu auras des problèmes. Donc, évite de le faire. La masala sera plus grande que la maslaha. Tu ne pourras pas te permettre de faire ce genre de choses aujourd'hui, à part dans certains lieux vraiment rares. Donc, toi demain, si tu es dans la rue qu'il y a des chrétiens ou des juifs qui passent, ne t'aventure pas à faire cela, tu auras des problèmes. Je parle du fait de leur serrer le passage. D'accord? Ça, c'est dans un contexte où les gens du livre sont chez les musulmans qui paient la jizya, ils sont sous leur autorité. Et que, bien sûr, les musulmans applique ce genre de choses. Parce que même aujourd'hui, t'as des koufars dans les pays d'islam, certains sont peut-être plus respectés que des muslimines. Et c'est une réalité. Donc, ce genre de sunna sont à appliquer dans un contexte où elles sont, comme on dit bien sûr, applicables. Sans qu'il y ait de désagrément derrière. وَلَكِنَّهُ مِذَا سَلَّمُوا وَجَبَ عَلَيْنَا أَن نَرُدْ عَلَيْهِمْ لِعُمُمْ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى وَإِذَا حَيَّيْتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا رُدُّوهَا. وكان اليهود يسلمون على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول السلام عليك يا محمد. Donc il a dit cependant si jamais nous passons salam alors on doit leur rendre le salam comme nous l'ont passé. Cela par la généralité qu'englobe la parole d'Allah dans son sens où il dit et si jamais vous êtes salués alors saluez de la même façon ou de mais la meilleure façon, plutôt saluer de la meilleure façon ou de la même façon. Surat les femmes, verset 86. Et il dit que les Yahoud, eux, lorsqu'ils saluaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient « Assam alayk, ya Muhammad », que la mort c'est sur toi, en fait. « Wassam bima'na al-maut » ويدعون على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالموت فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان اليهود يقولون السلام عليكم فاذا سلموا عليكم فقولوا وعليكم. Donc le prophète صلى الله عليه وسلم il a dit lorsque les Yahoud vous disent assalam alaykum, alors vous répondez leur en disant alaykum, c'est à dire sur vous, c'est à dire que les Yahoud vous disent que la mort est sur vous et vous répondez et sur vous. Voilà. Donc là, ce que l'auteur il dit, le shir, c'est un call qui est marjour. Car en réalité, cette généralité citée dans le verset a été, elle, particularisée par le hadith. Ce verset-là, en fait, concerne qui ? Concerne les musulmans. Quant aux kuffar, s'ils nous passent le salam, on leur dit « wa alaykoum ». Car le hadith est venu pour lui spécifier la chose. Il est venu pour spécifier la chose. C'est l'avis de la plupart des ulama, même Cheikh Ben Baz, et les machers du Yémen, tout ça, ils disent que si les gens du livre te disent assalamu alaikum, même s'ils le disent clairement, toi tu dis wa alaikum, en se basant sur ce hadith, qui est, lui, plus spécifique que le verset. في قول الله صلى الله عليه وسلم وعليكم دليل على أنهم إذا كانوا قد قالوا السلام عليكم فإن عليهم السلام فكما قالوا نقول لهم. Donc le shir dit que le fait que de leur dire عليكم, c'est une preuve que si jamais ils nous disent السلام عليكم, c'est-à-dire ils le disent clairement, alors on doit leur répondre de la même façon. Mais ça, c'est son avis sur la question. ولهذا قال بعض العلماء إن اليهود أو النصارى أو غيرهم من غير المسلمين إذا قالوا باللفظ الصريح السلام عليكم جاز أن نقول عليكم السلام. Donc là le shir il dit que c'est pour ça que des savants disent lorsque les gens du livre nous disent clairement السلام عليكم, ils comprennent bien ce qu'ils disent, on doit leur répondre de la même façon plutôt. ولا يجوز كذلك أن يبدأوا بتحياتك أهلا وسهلا وما أشبهها لأن في ذلك إكراما وتعظيما لهم. ولكن إذا قالوا لنا مثل هذا فإننا نقول لهم مثل ما يقولون لأن الإسلام جاء بالعدل وإعطاء كل ذي حق حقه. Il a dit كذلك qu'il n'est pas permis de commencer à les saluer, leur dire bienvenue, même leur dire bonjour en premier, tout ce qu'on appelle salutation. Et je viens ici pour corriger, il y a quelque temps j'ai fait un audio dans lequel je disais que Cheikh Othaymine disait qu'on pouvait le dire dans certaines situations, et je n'ai pas retrouvé cette parole-là. Donc, ce que j'ai dit la dernière fois, je reviens dessus, pour pas faire attribuer au shir une parole qu'il n'aurait pas dite. Moi, il me semble que je l'avais lu dans un livre, mais je ne me rappelle plus lequel, c'est il y a longtemps. Mais là, dans cette question-là, il dit clairement qu'il ne faut pas leur dire ni bonjour, ni rien du tout. Tout ce qu'il considère comme étant une salutation de base. Par contre, j'ai vu une façon de l'ajna d'Aïma, où ils disent qu'on peut leur dire par contre « Kif halukum ?» Comment allez-vous? Car ce n'est pas une salutation. On peut commencer. Par exemple, demain, tu vois des koufars et ils ne t'ont pas dit bonjour, par exemple, sont tes proches ou quoi. Plutôt que leur dire bonjour, tu dis comment allez-vous? Et de là, tu ouvres la conversation. Mais commencer par le salam ou par les salutations, ça, ce n'est pas permis. C'est à eux de le faire en premier et toi, après, tu leur réponds. Naam. Donc, il dit pourquoi? Car l'islam est venu avec la justice et de rendre à chacun son droit. Donc, si jamais tu salues correctement, alors rends-leur leur salutation correctement, à part celle de l'islam. Tu leur dis wa alaykoum. Wa min al-ma'lum an al-muslimin a'la makanatan wa martabatan. Ah oui, j'ai oublié de dire, parce que le fait de commencer par leur dire le salam, c'est comme une forme de glorification. C'est comme si on les élevait. On leur portait un respect qu'ils ne méritent pas. Non. Wa min al-ma'lum an al-muslimin a'la makanatan wa martabatan 'inda Allah 'azza wa jalla, fala yanbaghi an yuzillu anfusahum li ghayri al-muslimin, fayabda'uhum bis-salam. Donc il est connu que le musulman est de plus haut rang et de plus haut statut auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc il ne lui a pas permis de se rabaisser, hein, face aux non-muslims, en commençant par les salutations. إذن فنقول في غراسة الجواب لا يجوز أن يبدأ غير المسلمين بالسلام لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولأن هذا إذلالا لأن في ذلك إذلالا لمسلم حيث يبدأ بتعظيم غير المسلمين. والمسلم أعلى مرتبة عند الله عز وجل فلا ينبغي أن يذل نفسه في هذا. Donc après il a dit pour conclure la question, pour la résumer, il a dit qu'il n'est pas permis de commencer à saluer les musulmans, car le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela. Et cela est un rabaissement pour les musulmans face aux non-musulmans. Et le musulman est de plus haut rang et de plus de valeur que le kafir. Amma an yusallamu alayna fa inna lana rudd alim misla ma sallamu. Par contre, si nous passons salam, alors on le rend comme ils nous l'ont passé. Wa kadhalika aydhan la yajuzu an نبدأها بالتحية مثل أهلا وسهلا ومرحبا وما أشبه ذلك لما في ذلك من تعظيمهم فهو كابتداء السلام عليهم. Et il a dit également qu'il n'est pas permis de le saluer en premier par toute forme de salutation, comme on l'a dit tout à l'heure, les bonjours, les bienvenus, et ainsi de suite, car cela, c'est une forme de glorification. C'est comme si on les glorifiait. Et ce n'est pas permis. Naam. فهذا الذي أخذنا اليوم من هذين السؤالين والحمد لله رب العالمين.